Monsieur le Président, on ne veut plus cacher la détresse. On va en classe, mais c'est les classes qui nous effraient. Ironique, comme un jongleur SDF qui manque d'adresse. La jeunesse roule aussi à la quête d'une maîtresse. Pour faire vendre, il faut parler billets, parler de sexe. Je demande un cessez-le-feu, calmez donc les States. Parler de la viande halal, ma jeunesse s'en bat les steaks. Vous avez peur d'être agressé. Des enquêtes exclusives pour stigmatiser les quartiers. Non, je ne vous déteste pas, je ne vous respecte pas. L'Europe veut perdre sa graisse, ça coûterait cher d'être en surpoids. Formate dès le bac, à quoi bon faire ES? Tu comprends vite que l'économie simule comme PES. Je me perds dans mes dilemmes, PSU, MPC, idem. Dans 10 ans, la mer sera belle, grâce au bleu de méthylène. Du mal à se faire entendre, comment trouver nos voix? Vous créez la loi du marché, puis marchez sur la loi. Monsieur le Président, je ne vis pas votre réalité. Vous n'êtes pas comme le peuple, et c'est pour vous qu'on devrait voter. Comment s'identifier à vous et à vos idées? La montre à votre poignet vaut plus que nos loyers. Mais qu'est-ce que vous croyez? On vit dans la nécessité. Vous voulez qu'on s'intègre en nous offrant que du rejet. On parle d'islam sans polémique, juste pour garder sa place. Regardez les bilans, dites-moi qui se voile le plus la face. Nos contes de fées se livrent dans la jungle de Calais. Pour 15 centimes, Jean-François te fait en coupe et décalé. Avec votre loi et le connerie, vous tirez sur l'emploi quand vous n'aviez pas le pouvoir. Vous condamniez le 49-3. On joue avec notre santé pendant que McDonald's trinque. L'indigestion mondiale nous frappe cher comme Donald Trump. La violence les a tellement alités. Les jeunes allument le feu sans chanter à l'idée. Les victimes payent la note. La planète se réchauffe pendant qu'énergie douce fait des remakes de Truman Show. Démocratie, ça devrait être le peuple au porte-voix. Les gens vont voter pour le moins pire. Ils appellent ça le choix. L'État commet des crimes sans ne rien jamais avouer. C'est toute la France qui demande justice pour Adama Traoré. Monsieur le Président, non, je ne fais pas de politique. Je mène pas une vie de rêve sur le dos des fonds publics. Pendant que vos confrères surfent la vague bleu marine, l'intégration française a perdu ses racines. Ma belle France, qu'ont-ils fait de toi? Ma belle France, qu'ont-ils fait de toi? Ma belle France, où sont passés nos rêves, où sont passées nos voix? Chilla.